Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la présidence de John F. Kennedy, le mythe et la réalité. Il y a un mythe Kennedy, c'est vrai, mais en toute évidence, de toute évidence, c'est un mythe que les historiens doivent s'efforcer de démolir. L'histoire et les mythes ne font pas bon ménage. De quoi est fait ce mythe Kennedy dont parle l'historien André Caspi à l'émission Au fil du temps en 1992 et que les historiens ont justement commencé à démolir à peu près au moment où André Caspi accorde cette entrevue, au début des années 90? Quel est donc ce mythe Kennedy et où en sommes-nous aujourd'hui avec ce président mort si jeune et dans des circonstances si tragiques, ce président qui incarnait la jeunesse d'une Amérique nouvelle et si prometteuse, mais dont la présidence n'a duré dans les faits que 1036 jours? Le président des États-Unis, Barack Obama, de même que Bill Clinton et son épouse Hillary, ont déposé une couronne de fleurs sur la tombe du président John F. Kennedy au cimetière d'Arlington à Washington, deux jours avant le 50e anniversaire de son assassinat à Dallas. Le président Obama doit prononcer ce soir un discours pour saluer la mémoire de JFK lors d'un dîner en l'honneur des récipiendaires de cette médaille. And that's why 50 years later, John F. Kennedy stands for posterity as he did in life. Voilà pourquoi 50 ans plus tard, John F. Kennedy reste une figure aussi importante de nos jours que de son vivant. Jeune et audacieux, il est toujours dans notre esprit, non pas parce qu'il nous a quittés si tôt, mais parce qu'il incarne le caractère du peuple qu'il a dirigé. Because he embodied the character of the people that he led. And in his idealism, son idéalisme sobre et confiant nous rappelle que le pouvoir de changer ce pays nous appartient. We are reminded that the power to change this country is ours. Le président américain Barack Obama, le 20 novembre 2013, à l'occasion du 50e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, pour essayer de départager le mythe et la réalité autour de John F. Kennedy, de l'homme, de sa présidence aussi. Mon invité, l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui encore, André Champagne, John Kennedy, pour l'Américain moyen? L'esprit de renouvellement insufflé par les années 60. La jeunesse. Comparer John Kennedy à son prédécesseur, ouais. Dwight D. Eisenhower, qui était à ce moment-là le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. À l'époque, vous aviez le président de Gaulle en France, vous aviez Harold Macmillan en Angleterre et vous aviez Diefenbaker au Canada. Donc, il incarnait justement les baby-boomers, cette génération qui arrivait à l'âge adulte et qui avait soif de changement. C'est également le premier président télégénique. Ouais. Et c'est le premier président qui, quelque part, semblait enthousiasmer tous ces boomers qui arrivaient à l'âge adulte. Et je vous écoute, ce qui est formidable, parce qu'il est encore très présent dans l'imaginaire collectif américain et occidental. Au fond, c'est peut-être beaucoup parce que ces boomers sont toujours là, vieillissent. C'est la nostalgie, Kennedy. C'est leur jeunesse perdue. Mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis en plus de ça, Kennedy, c'était l'espoir d'un changement dans la société américaine, dans les rapports avec l'Union soviétique. C'était le premier président qui n'était pas né au 19e siècle. Ouais. Le monde libre est en deuil. Le 35e président des États-Unis d'Amérique, M. John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné cet après-midi à Dallas, au Texas. Il était âgé de 46 ans. Le président John F. Kennedy a été assassiné d'un coup de feu à la tempe droite vers 2h cet après-midi, ici à Dallas, au Texas, à la suite d'une sauvage fusillade, alors qu'il était en tournée dans cette ville pour les trois prochains jours, invité du Dallas Trade Fair. John Kennedy est assassiné à Dallas, donc le 22 novembre 1963. André Champagne, pour bien comprendre le mythe qui est devenu Kennedy, il faut repasser par cet assassinat-là. Quel poids ça a, cette mort tragique, dans le mythe Kennedy? C'est la question que se posent les Américains depuis et qu'ils vont continuer à se poser longtemps, que les historiens se posent. Que serait-il arrivé ouais. si il n'avait pas été assassiné. Mais le mythe part de cette mort-là. Exactement, parce que c'est une mort très... Et c'est une mort télévisée. Oui. On la voit en direct. Et c'est l'étonnement général. C'est une commotion, non seulement aux États-Unis, c'est une commotion mondiale. Oui. Pourquoi ça... Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient de s'arrêter abruptement. Qu'est-ce que ça représente pour les Américains, pour les Occidentaux, cette mort-là au moment où elle se produit? C'est cet homme qui a très, très bien géré l'année précédente la crise des missiles, qui, soudainement, au printemps 1963, décide de s'impliquer dans la question des droits civiques, qui se rend à Berlin, qui dit aux Berlinois que les Américains vont continuer de les soutenir. C'est cet homme qui a fait comprendre aux Soviétiques que la guerre nucléaire, c'était impensable. Conséquemment, on a signé en juin 1963 le premier accord avec Moscou pour interdire les explosions nucléaires en surface. Donc, c'est cet homme-là qui vraiment incarne... Une Amérique forte. Une Amérique forte, mais une Amérique qui a confiance en elle, mais une Amérique qui voit qu'elle a des possibilités immenses. Et soudainement, tout est arrêté et son successeur, Lyndon Johnson, qui est pas tellement plus vieux que lui, fait une espèce de contraste, malgré lui, qui, à mon sens, a probablement ajouté à la tragédie de sa mort. Oui. Puis cette mort, je reviens au mythe et au poids que la mort de Kennedy a dans ce mythe-là. Barack Obama l'évoquait un peu, mais il est mort jeune. Le Kennedy qu'on a en tête, tous, il a quoi, début quarantaine? Oui, il était né en 1917. Mais c'est un président qui, quelque part, représentait tout ce que les Américains auraient aimé être. D'ailleurs, Richard Nixon disait « Quand les Américains me regardent, ce qu'ils voient, c'est l'image qu'ils ont d'eux. Quand ils regardent John Kennedy, c'est ce qu'ils souhaiteraient être. Ouais. C'est ce qu'il incarnait, Kennedy. C'est le mythe de Camelot. C'est cet homme issu d'une famille immensément riche. Le rêve américain. Le rêve américain. C'est un homme qui plaît à la gente féminine de façon évidente. C'est un homme qui projette une image de l'Amérique sur la scène internationale qui plaît aux Américains. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il incarne le glamour. Et c'est un moment, les années 60, où, quelque part, étant donné la télévision, étant donné le cinéma, le glamour est important. Écoutez, je vais vous lire cette réflexion de son historien qu'il avait embauché à la Maison Marche, Arthur Schlesinger. Il a dit ceci. « L'Amérique a inventé Hollywood et adore le glamour. Elle voue un culte aux célébrités. Or, JFK réunissait toutes les qualités que l'on prête aux Royals. Popularité, richesse, compassion, charme. Ce type de culte est d'ailleurs fréquent en démocratie. L'Angleterre, démocratie parlementaire, porte à sa famille royale un intérêt passionné. » D'ailleurs, on disait que les Kennedy, c'était la famille royale américaine. Et ça va rester, évidemment, parce qu'il y a une dynastie Kennedy, puis avec un destin tragique qui va contribuer au mythe de la famille. Ce qui est fascinant, pour rester encore un peu sur ce mythe Kennedy, c'est que le temps passe. Il est toujours, ce mythe existe toujours, même s'il y a plein de révélations depuis. La statue de Kennedy commence à se fissurer, André Champagne, mais il en sort plus fort encore. Oui, pourquoi? Parce que dans la tête des Américains, son assassinat n'a pas encore été élucidé. Il y a toujours l'idée qu'il a été victime d'un complot. Et tant et aussi longtemps que cette idée-là va perdurer, ça va alimenter le mythe. Mais par exemple, sur sa maladie, c'est un homme malade. On aurait pu dire qu'il cache sa maladie aux Américains. Non, avec le temps... Homme courageux. Il y a plein d'exemples comme ça où les failles de Kennedy lui donnent de la force avec le temps. C'est quand même étonnant. Oui, effectivement, parce que si l'Amérique avait été informée de son état de santé, il n'aurait même pas pu être candidat pour le Sénat en 1952, encore moins candidat à la présidence en 1960. D'ailleurs, il sera attaqué par Lyndon Johnson à la Convention démocrate de Los Angeles en juillet 1962 et l'équipe Nixon va tenter de mettre la main sur ce dossier médical pour le discréditer. Et tout ça était tenu secret. Ouais. Vous avez parlé de son côté homme à femme. C'était connu, mais à l'époque, c'était accepté. Ouais. Le mythe, il existe. La mort de Kennedy, dans les circonstances qu'on sait, contribue à ce mythe-là. Mais il faut quand même être honnête et saluer d'une certaine façon le stratège qu'il a été. C'est une présidence qui a été préparée par le père, André Champagne. Kennedy lui-même, de son vivant, construit ce mythe-là. Oui, parce que Kennedy s'est préparé à la présidence depuis son accession au Sénat en 1952. C'est sûr que Joseph Kennedy, le père de la dynastie, aurait souhaité que son fils aîné devienne président des États-Unis. Malheureusement, son fils aîné est mort dans un accident d'avion en 1944 dans une mission extrêmement périlleuse. Conséquemment, Joseph Kennedy a dit à son fils John, c'est toi qui deviendras président. Alors, c'est son père qui avait organisé ses campagnes électorales pour la Chambre des représentants en 1946, pour le Sénat en 1952. Et là, il y a déjà un travail d'image. Exactement. Pourquoi? Parce que en 1958, il lance en principe sa campagne présidentielle. Et là, il fait une tournée à travers les États-Unis. Et étant donné les contacts de son père, il rencontre tous les organisateurs démocrates dans les États importants. Il a des entretiens avec les journalistes des grands journaux américains, des grands quotidiens ou des grands hebdomadaires comme Time Life. Dès la fin des années... Dès son entrée à la Chambre des représentants en 1946, il est invité à des émissions comme Meet the Press sur les grandes chaînes américaines. Oui. Alors que des représentants et des sénateurs qui ont beaucoup plus d'ancienneté que lui n'ont pas cet accès-là. Alors, pourquoi? Parce que son père a un réseau, a des contacts, et son père a fait sa promotion. Pour vous donner un exemple, pour l'élection sénatoriale en 1952 au Massachusetts, le Boston Globe avait des difficultés financières. Joseph Kennedy leur a offert un prêt de 500 000 $ sans intérêt en leur disant, vous allez mousser la candidature de mon fils. Donc, toute cette organisation, puis aussi, parce que vous parlez beaucoup de télé, hein, c'est le premier, vous l'avez dit, c'est le premier président de la télévision, il comprend Kennedy, le pouvoir de l'image, mais il comprend aussi très bien la force des mots, puis ben, il a le sens de la formule. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ainsi, mes chers concitoyens américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. My fellow citizens of the world, mes chers concitoyens du monde, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais plutôt ce qu'ensemble nous pouvons accomplir pour la liberté de l'homme. Extrait du discours célèbre, extrait du discours d'assermentation du président Kennedy le 20 janvier 1961, discours devenu mythique. Oui, le pouvoir de l'image, mais... vraiment le sens de la formule. Mais tout à fait. Il est incroyable, Kennedy. Oui, effectivement, il y avait le sens de la formule. Puis vous savez qu'il écoutait des heures et des heures des discours de Winston Churchill. Pourquoi? Parce que c'était son modèle. Ouais. Et non seulement il avait le sens de la formule, mais il avait une très belle voix. Et ses discours, il faut reconnaître qu'ils ont été écrits par Ted Sorensen, qui était vraiment un excellent speechwriter. C'est même lui qui a écrit son livre avec lequel il a gagné le prix Pulitzer en 1956, Profiles in Courage, mais il savait où placer l'accent. Ouais. Et également, vous l'avez dit, la formule, mais la formule, moi, je remets à César ce qui est à César. C'est à Sorensen qu'on la doit. Mais vraiment, maîtrise, on est sur le mythe, vraiment maîtrise l'image, le sens de la formule, et puis toute la vie personnelle de Kennedy. On a comparé à l'époque Trudeau, plus tard à Kennedy, parce que beau gosse, le ski, il y a ça, il y a la famille, la maison blanche. Une épouse magnifique, des enfants, le Yannisport, le yachting, les matchs de le bonheur de d'être président football. Aussi. Exactement. Est-ce qu'on avait vu ça avant? Non, on n'avait jamais vu ça avant. Puis, mais aussi, il crevait l'écran, John Kennedy, qu'on le veuille ou non. Puis aussi, dans les années 50, déjà, il était popularisé par les revues People. Kennedy, c'est quelque part le premier politicien People. Donc, voilà pour le mythe. Le mythe, je vous dirais, pour ce qui est de l'image qu'on a gardée de Kennedy, de l'image qu'il a lui-même savamment construite aussi. Essayons de départager le mythe de la réalité, André Champagne, de manière, entre guillemets, plus factuelle, si c'est possible de le faire, en regardant sa présidence. Il a été là 1036 jours seulement. C'est un exercice périlleux parce qu'au fond, c'est pas très long. Mais dans ces 1000 quelques jours, qu'est-ce qu'il a fait? Commençons par sa politique intérieure. Est-ce que ça a été un bon président sur le plan des politiques intérieures? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que sur le plan de la politique intérieure, le grand dossier de l'époque, c'est la question des droits civiques. Il ne s'intéresse aux droits civiques qu'à partir de 1963, quand surviennent les événements de Birmingham. Avant ça, il ne veut pas y toucher. Même quand il y a le... En 1961, vous avez l'épisode des Freedom Riders qui se font attaquer en Alabama. John et Robert Kennedy ont pratiquement une altercation avec des leaders des droits civiques en leur disant « Ce n'est pas le temps d'aborder cette question-là. Moi, j'ai un agenda à mettre de l'avant. Vous pouvez attendre. » Alors que la question des droits civiques ne pouvait pas attendre. Donc, dans ce dossier-là, il est vraiment en retard. Est-ce que c'est injuste de dire... Évidemment, il va mourir. Donc, il est en retard, je note bien. Mais on a beaucoup dit que c'est Johnson qui va faire le travail. Mais en même temps, Kennedy n'a pas le temps de le faire. Non. Est-ce qu'il sème quelque chose ou si c'est vraiment Johnson qui on doit... C'est-à-dire que en juin 1963, il fait un discours suite aux événements de Birmingham. Il fait un discours dans lequel il dit que 100 ans après l'émancipation accordée aux Noirs des États sécessionnistes par Abraham Lincoln, il est temps d'accorder, de reconnaître les droits civiques à tous les Noirs sur l'ensemble du territoire américain. Ouais. Et il annonce que la semaine suivante, il déposera une loi pour les droits civiques au Congrès. Sauf que cette loi-là ne bougera pas du tout jusqu'à temps que Johnson devienne président et Johnson, étant donné son expérience au Sénat, étant donné qu'il connaissait tout le monde, c'est Johnson qui va réussir à la faire voter. Avec, il faut le dire aussi, puis on en a parlé dans une autre émission, mais l'Amérique, ce pays-là, est complètement ébranlé. Exactement. Un Congrès, les Républicains sont... un peu fragilisé et au fond, la mort de Kennedy a tellement marqué l'imaginaire collectif que Johnson récupère ça. Oui, et Johnson dira en janvier 1964 que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Kennedy, c'est de faire passer la loi des droits civiques. Politique extérieure, il y a un exemple qui est extraordinaire, celui qui nous permet d'essayer de départager le mythe de la réalité, l'exemple de Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées et de missiles dans cette île opprimée. Ce qui signifie que chacune de ces fusées peut atteindre Washington, le canal de Panama, Cap Canaveral, Mexico ou toute autre ville située dans le sud-est des États-Unis, en Amérique centrale ou dans la région des Caraïbes. In Central America or in the Caribbean area. This urgent transformation of Cuba. Cette transformation précipitée de Cuba en importante base stratégique par la présence de ses puissantes armes offensives à long rayon d'action aux effets possibles de destruction massive constitue une menace directe à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. Constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas. Extrait du discours télévisé du président Kennedy le 22 octobre 1962 lors de cette fameuse et célèbre crise des missiles. Ça, c'est un bon exemple, Cuba. André Champagne, en politique étrangère, pour essayer de départager le mythe de la réalité. Est-ce que Kennedy a été un grand ou un grand président ou pas? En fait, on a dit c'est l'homme d'État, c'est l'homme qui a permis qu'il n'y ait pas de guerre entre l'URSS et les États-Unis, éventuellement Troisième Guerre mondiale. C'est l'homme du compromis. En même temps, est-ce que le dossier cubain, c'est pas factuellement Cuba que les Américains voulaient renverser. On voulait renverser Castro. Est-ce que c'est pas un échec, un des plus grands échecs de la présidence de Kennedy? Ça avait très mal commencé avec l'incident de la baie des Cochons en avril 1961. Mais ça montre où on voulait aller. Oui. Il y avait une volonté de renverser les régimes castristes. Ouais. Ça, c'était clair. C'est un plan qui avait été préparé sous l'administration Eisenhower. Kennedy a fait l'erreur de croire les analyses de la CIA qui avaient promis que dès le débarquement des troupes cubaines anticastristes, qu'il y aurait un soulèvement à Cuba. Ça ne s'est pas du tout concrétisé. Donc, ça a été une humiliation pour lui, pour les États-Unis. Suite à ça, John et Robert Kennedy ont continué à tenter de renverser, vouloir renverser Castro. On avait préparé un plan d'invasion de l'île, ce qui a incité Castro à demander à Khrouchtchev de faire quelque chose pour protéger Cuba. Conséquemment, Khrouchtchev a eu l'idée de placer des missiles munis d'ogives nucléaires qui pourraient frapper le territoire des États-Unis. Et ça, ça a déclenché la crise des missiles. Ouais. Sauf que dans la crise des missiles, ce qui a été extraordinaire, c'est que Kennedy, et c'est là qu'à mon sens, il a été vraiment un grand leader puis un grand homme d'État, c'est qu'il a tenu tête aux militaires qui, eux, voulaient attaquer Cuba dès le début de la crise, les 15 et 16 octobre 1962. Et quand Kennedy est entré à la Maison-Blanche, il a été vraiment étonné de s'apercevoir, de réaliser que... dans les plans de guerre américains, les militaires avaient le droit de décider eux-mêmes l'emploi ou non des armes nucléaires. Pourquoi? Parce que le président Eisenhower avait donné cette autorisation-là. Et Kennedy leur a retiré ce droit-là, a dit qu'il n'y ait jamais question d'employer les armes nucléaires sans l'ordre du président. Donc, le simple fait qu'il ait tenu tête aux militaires pendant la crise et qu'il ait forcé quelque part Khrouchtchev à... à capituler et à retirer les missiles. Oui, effectivement, c'est une grande victoire. Cependant, malgré le retrait des missiles soviétiques de Cuba, malgré l'engagement des Américains de ne plus tenter de renverser Castro, Johnson apprendra en novembre 1964 qu'il avait encore des plans pour saboter l'économie cubaine. Ouais. Donc, homme de compromis, homme de paix, mais sur le fond, je reviens là-dessus, il a dû accepter de vivre avec une île cubaine communiste et avec Castro. Il y a eu un compromis quand même. Oui, il y a eu un compromis. Ouais. C'était pas ça le plan au départ. Le Vietnam, un mot là-dessus. Parce qu'avec le recul du temps, on se dit, c'est lui qui a engagé l'Amérique dans ce fiasco. Deux chiffres. Quand il entre à la Maison-Blanche, en janvier 1961, il y a 600 conseillers militaires américains au Vietnam. À sa mort, en novembre 1963, il y en a 16 000. Bon, selon Robert McNamara, dans un livre publié en 1995, qui était son secrétaire à la Défense, McNamara a dit que Kennedy attendait l'élection de 1964. Et suite à sa réélection en 1964, il aurait probablement esquissé le retrait des Américains du Vietnam au printemps 1965. Ah bon. Ça, c'est une hypothèse. Cette idée-là n'est pas acceptée par la grande majorité des historiens. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est lui le responsable de l'engagement. Et puis aussi, c'est s'il ne voulait retirer les Américains du Vietnam, pourquoi a-t-il autorisé le renversement du président Diem et son assassinat? Bon, l'assassinat n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Alors, ça va rester nébuleux et ça fait partie justement du mythe Kennedy parce que dans le mythe Kennedy, il y a qu'est-ce qui serait arrivé si? What if? Ça nous amène au fond, vous parlez du what if sur deux plans. On parlera de ce que seraient devenus les États-Unis s'il avait continué de gouverner pour un deuxième mandat, mais avant ça, ses liaisons, ses nombreuses liaisons, ses mensonges sur sa maladie, ça nous amène à nous demander, aujourd'hui, André Champagne, quel genre de succès ou d'insuccès aurait un John Fitzgerald Kennedy avec nos yeux d'aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, avec les chaînes... Serait-il même devenu président? Avec les chaînes de télévision en continu, avec la multiplication des journalistes d'enquête, avec les moyens électroniques dont on dispose, probablement que son état de santé aurait été connu, que ses liaisons extra-conjugales auraient été connues, ça aurait choqué. Donc, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas fait long feu dans le contexte d'aujourd'hui. Parce qu'il a eu une jeune stagiaire, il a eu sa monnaie. Il a eu sa Monica parce qu'au moment de la crise des missiles, il est avec cette jeune stagiaire de 19 ans, Marion Beardsley, et il passe ses nuits avec elle. Dernière question, on y revient, la question de fond. Que seraient devenus les États-Unis si Kennedy avait survécu? Probablement qu'il aurait été réélu en 1964. Et la grande question, aurait-il réussi à faire passer la loi sur les droits civiques en 1964, le Voting Rights Act en 1965, et surtout, aurait-il... maintenu les Américains au Vietnam parce que ce qui va perdre son successeur, c'est la guerre du Vietnam. Ce qui va empoisonner la société américaine, c'est la guerre du Vietnam. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission, merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.